se laisser caresser. Et s'enfoncer dans le ventre de la ville. Et quatre choses, c'est plus docile.

Alors, il y a des artistes qui inspirent et qui inspirent d'autres artistes. Je pense à des Gainsbourg qui inspirent des générations de musiciens anglais. Mais moi, je pense ce soir à un autre artiste qui inspire et qui écrit encore aujourd'hui pour plein d'autres artistes. Il s'appelle Gérard Manse et on vient d'écouter Matrice. On va écouter maintenant Demain, il fera jour. Celui-là te recouvrira de sur un baïa. dans un livre. Et toi, au long membre plus fin qu'un doigt, au long membre plus fin qu'un fil, au doux sourire fragile, au long baiser qui brûle, aux lèvres, au long baiser qui brûle, aux lèvres. Spécial rock français. Et après les papiers du rock français, donc Gérard Manset et à l'instant Hubert Félix Thiéfaine qui nous a chanté Les Dingues et les Paumés, on repart sur un rock beaucoup plus dynamique et beaucoup plus récent avec La Phase qui nous chante Peine de vie. Je suis mort avant 20 ans, ma vie s'est arrêtée. délivrer mon dire. Je ne peux plus marcher droit et je dois courber les chines. Aide-moi à couper le fil qui me suspend dans le vide. Je l'ai dicté noir sur blanc, je l'ai promis au président. Je réclame une remise de peine. Pour moi la mort sera moins chienne. On a pris encore 20 ans pour avoir le courage de libérer la vie. Laissez-nous autant choisir la fin, rester libre et mourir. Il faudra qu'il encore 20 ans pour avoir le courage de libérer la vie. Laissez-nous autant choisir la fin, rester libre et mourir. Je n'aurai pas 20 printemps, la vie n'aura pas voulu de moi. Chienne de justice, son putain de droit. Partir libre, c'est mon dernier combat. Et dans cette chambre d'hôpital, loin des procès inutiles, j'attends l'injection létale. Rester libre et mourir digne. Faudra-t-il encore 20 ans pour avoir le courage de libérer la vie? Laissez-nous autant choisir la fin, rester libre et mourir digne. Faudra-t-il encore 20 ans pour avoir le courage de libérer la vie? Laissez-nous autant choisir la fin, rester libre et mourir digne. Listen to the beat. Allez, c'était donc deux chansons dans Pop and Rock, spécial rock français. Là, on était retourné dans le début des années 2000 avec tout d'abord La Phase, que j'avais vu en première partie de Manu Chao au Zénith d'Auvergne il y a quelques années. Et à l'instant, Manu Chao avec son groupe La Mano Negra pour King Kong 5. Maintenant, on va partir sur des choses un peu plus récentes. Et je dis merci à DJ qui m'a fait découvrir ça, DJ de Backline, qui m'a fait découvrir un groupe qui s'appelle Fusetta. Pop'n Rock, toujours avec le rock français. Et là, on est dans les années 2010, puisqu'à l'instant, on écoutait Last Train, un groupe qu'il faut absolument découvrir sur scène, qui a fait pas mal de premières parties et qui tourne beaucoup, et qui vient de monter un festival là pour cet été du côté de Lyon. On va enchaîner avec des gars du sud-ouest, des gars que vous connaissez déjà, puisqu'on les a déjà entendus ensemble ici sur Pop'n Rock. On va écouter The Run par The Inspector Clouseau. First day of the run, let the game begin. Show me how to stand the cold sun and the bright sun. Second day coming on, let me take your hands. You will understand the cold sun and the bright sun, flowers and again. You'll never fall down, cause on the run I love you sometimes and again, again. You'll never fall down, cause the hard land and the warm hand. Last day coming down, which way do we go? Take it to the end, the dark time and the light sound. Goodbye to my friend. You'll never so you say goodbye to you, my friend. Shots, my friend. Allez, on va se quitter puisque la mission se termine presque, notre heure de rock français est quasiment terminée. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez sur la page Pop and Rock de Facebook. Vous retrouvez également rvrradio.fr sur internet pour la page de RVR où vous retrouvez tous les podcasts de l'émission. Et puis depuis quelques temps, je mets sur ma page Facebook, donc Pop and Rock, vous trouverez des liens archive.org avec différentes émissions que j'ai enregistrées et que vous pourrez écouter en live quand vous le souhaitez. Maintenant, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous, et puis salut l'artiste avec No One Is Innocent. C'est son dernier tour de piste. À reculons, traînons les pieds, le sourire triste. Forcément une santé de fer, ça laisse quelques regrets. Ça laisse surtout un goût amer dans les dorures du palais. Tour à tour équilibriste et maître illusionniste. Acrobate mais sans risque, même contorsionniste. C'est jouer le jongleur de promesses, lanceur de couteaux. Mais jamais les yeux bandés pour mieux cibler le dos. Alors salue l'artiste, sonne la retraite. Adieu beau phénix, les congés à perpète. Un bel hommage à l'artiste, à la carrière exemplaire, VRP mondial, mais chez nos grands hommes d'affaires. Curriculum vitae, à faire pâlir d'envie, comme une histoire d'odeur qui fait pas mal de bruit. Des essais transformés, mais pas vraiment pacifiques. Le meilleur ami du monde et plein de grands potes en Afrique. Sans une égratignure, juste une vilaine fracture. On le sait depuis longtemps, le phénix a la peau dure. Alors salue l'artiste, sonne la retraite. Adieu beau phénix, les congés à perpète. Allez, salue l'artiste. Go on and on and on. Il est temps de passer le relais, tendre le bâton. Ils sont déjà des dizaines d'amis qui attendent dans le salon.